sort bien, il n'y a pas trop de fury, ça te plairait bien, parce qu'il n'y a pas tous ces effets, tout ça là. Thank you. fois c'est les mêmes trucs. Merde. Listen, I can do it all right. ça ressemble à un Bougira, c'est la même gueule. C'est bon, j'ai moins 10, moins 12 dB. Normalement, il doit mettre moins 12 dB. Voilà. Putain, mais je m'en fous. C'est nul ce truc. Problème sur Reaper là. Par exemple, attends, 1, 2, moins 7 là, et là, attention mon vumètre, ça met à moins 19 là, moins... il faut être à moins 12, c'est ça? Pas le dernier, moi j'ai mis à jour, mais je... Les vues mètres. Comment on agrandit les vues mètres? Ah, c'est là. Non, c'est pas là. J'arrive pas à agrandir. Flocking, Mr. Max.